Il était l'annonceur maison des Alouettes de Montréal jusqu'à tout récemment. Ça fait au moins une douzaine d'années facilement qu'il était annonceur maison aux Alouettes. Et également, on l'a connu à TVA. Et Jacques Moreau a annoncé il y a quelque temps qu'il prenait sa retraite. Question un peu de savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé à prendre sa décision, se rappeler des bons souvenirs aussi, on lui parle. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Vous faisiez mention que ça faisait 12 ans. En fait, Ça ça fait... fait beaucoup plus Ok, que 12 ça ans. fait combien? Ma première année, c'était 1972 au Stade olympique. Pas au Stade olympique, Ah, ok. mais au Stade McGill, avant les rénovations. Ensuite, j'ai fait les 22 dernières années. 22 dernières... Ce qui Ouais. Et ça passe vite. a motivé ma décision, c'est que ça fait quand même toutes ces années-là, et puis c'est difficile de se renouveler, c'est toujours les mêmes expressions et tout ça. Et puis, après en avoir discuté avec la direction des Alouettes, et aussi, ils voulaient faire certains changements, mes interventions plus courtes, il y avait des changements qui voulaient apporter. Et puis, moi, ça me plaisait pas tellement, et puis c'est là que j'ai décidé de passer le flambeau et de remettre ça à quelqu'un qui pouvait prendre la relève. Alors, je n'ai aucune idée de celui qui va me remplacer. Il y a eu un processus de sélection auquel je n'ai pas participé, mais voilà, c'est une décision réfléchie. Et puis, à mon grand âge avancé, ben là, à ce moment-là, la décision était plus facile à faire après toutes ces années-là dans le métier. Mais j'aime pas ce que vous avez dit, par exemple. Vous avez dit que les Alouettes, ils voulaient changer votre style. Il me semble qu'à quelque part, ça change pas un style de même. Tu sais, je regarde ce qui se passe chez les Alouettes, là. Anthony Calvio est parti. Catherine Reich est partie. Vous avez parti également. J'aime pas du tout ce qui se passe. Dire une affaire, que le football est bien implanté parce que ça me fait penser beaucoup au début des années 80. Oui, malheureusement, mais vous savez, quand un nouveau groupe arrive, parce qu'il y a eu un changement à la direction, un Ouais. changement aussi à l'opération football, on veut apporter des changements. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais eux ont leur raison. Mais ça s'est pas fait négativement, ça s'est OK. fait de commun accord. Et puis, eux avaient des visions sur l'ensemble. C'est pas juste mon aspect. Tout a été révisé, tous les aspects de l'événement et tout ça. Et puis, pour moi, il y a pas de négatif là-dedans. C'est un processus parce qu'un jour, ça devait se faire. J'ai 73 ans quand même. Ouais. Alors, j'ai roulé ma bosse. Et puis, non, moi, j'étais privilégié d'aller dans tout ce que j'ai pu faire lors de ma carrière qui a commencé en 1966 dans le domaine des communications. Et puis, c'est un processus normal. Puis moi, Ok, je c'est pas suis assez négatif. Ok. privilégié. Ok. Jacques, ton meilleur souvenir? Meilleurs souvenirs, il y en a eu plusieurs. Il y en Avec a eu les Alouettes, là. plusieurs. J'étais quand même aux bons endroits, au bon moment, comme par exemple faire la description de la fameuse série du siècle qui Ah restera à jamais oui. marquée en 1972. J'étais à CJMS à ce moment-là et c'est tout le réseau Radio Mutuel qui n'existe plus aujourd'hui. Qui avait été le diffuseur officiel, et puis avec Rocky Brisebois à l'époque et Jean Béliveau qui était notre analyste. Alors, pour moi, comme je disais tout à l'heure, qui est rentré dans le métier en 1966, alors 6 ans plus tard, avoir la chance de participer à cet événement unique, je pense que c'est un des hauts faits, et aussi la médaille d'or. Des Américains en 1980 à Lake Placid, si on regarde le côté hockey. Et aussi, j'ai eu le privilège d'être partant dans 9 Jeux olympiques, cérémonie d'ouverture et de fermeture dans plusieurs de ces Jeux-là. Annonceur des Alouettes pendant toutes ces années-là. Mais avec les Alouettes, c'est quoi? Ton meilleur souvenir avec les Alouettes, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a-tu avec les Alouettes? Avec les Alouettes, je dois dire sincèrement, c'est la Coupe Grey de 2002. OK. Avec Don Matthews. Ça fait 25 ans que les Alouettes n'avaient pas remporté de Coupe Grey. Et puis, le défilé qui a marqué cette victoire-là au centre-ville de Montréal a été quelque chose. Et encore, les joueurs de l'époque en parlent. Quand on se rend compte, les joueurs en parlent, notamment Ben Caron, qui, lui, pour lui, c'est l'événement de sa carrière, ce rendez-vous avec les amateurs de football après cette Coupe Grey 25 ans plus tard. Je pense que ça fait pas mal partie de mes grands souvenirs. Il y a eu des bons matchs aussi. C'est sûr que Saskatchewan aussi, le match en 2009 où que tout le monde pensait que les Alouettes avaient perdu, puis finalement il y a eu une erreur du botteur et ainsi de suite, le jeu rappelé. Ça a dû être un bon souvenir aussi, ça. Oui, parce que on allait plier les livres et puis on allait fermer les livres. Ben ouais. Et au lieu de pénalité, il y avait un homme de trop. Et puis Damon Duval qui avait raté son premier poté de placement, le refait et le réussit. Et voilà que les Alouettes partent avec la Coupe Grey. Il faut dire que les Alouettes, dans les années 2000, de 2000 jusqu'à 2010, c'était l'équipe dans la Ligue. Et on a participé à plusieurs Coupes Grey. On en a remporté 3, mais on a participé, je pense, à 5 ou 6 Coupes Grey pendant cette période-là. Alors, il faut dire que ça fait aussi partie des bons moments de ma carrière d'annonceur de faction aux Alouettes. Es-tu inquiet quand tu vois ce qui se passe? T'sais, on est rendu le 4, au moment où on enregistre le podcast, qui est le 4 avril. Il n'y a toujours pas de... Quand on dit que c'est Geoff Freeman qui n'a pas joué au football pendant 4 ans, qui risque d'être ton corps partant, es-tu inquiet quand tu vois ça? C'est un peu inquiétant. Surtout que on misait tellement sur des gars comme Troy Smith pour remplacer Anthony Calvillo. Et puis, alors, Jim Popp avait amené quand même de bons candidats, mais les gars ne se sont pas adaptés à la Ligue canadienne de football. Dans le cas de Freeman, il a le style de la Ligue canadienne. C'est un gars qui va courir avec le ballon. Ce corps-là me fait penser à Tracy Ham, un des bons qu'on a connu ici à Montréal. Et c'est comme tirer à pile ou face. On va savoir quand il va mettre les pieds sur le terrain, comment il va se sentir. Je suis inquiet parce que pendant toutes ces années-là, de 2010 à maintenant, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait faire le travail. Est-ce que Freeman va faire le travail? Espérons-le, parce que je suis encore un amateur de football, même si je ne suis plus avec les Alouettes, et j'adore la Ligue canadienne. Ouais. Alors, on va voir, c'est un coup de pied, et puis espérons qu'on va tomber sur le bon numéro. Est-ce que Jacques Moreau Sport va exister? Est-ce que c'est une retraite complète ou vous gardez votre commerce? Non, on reste associé aussi aux Alouettes. OK. Alors, dans tout le processus, on a gardé une association commercial avec les Alouettes au point de vue commandite et nous on fournit beaucoup de choses aux Alouettes au point de vue équipement et on est un des fournisseurs et partenaires des Alouettes depuis 1996. Alors ça ne cessera pas et le magasin va toujours exister. J'ai 3 fils qui... dont un qui a joué dans les Canadiennes, je pense, Jacques Moreau Junior, hein? C'est ça, il a joué avec les Rough Riders et Edmonton. Quelques matchs avec les Alouettes avant d'avoir été blessé au dos. Alors, mes 3 fils ont joué au football également. Alors, disons qu'on n'est pas là par hasard. OK. Ben Jacques Moreau, merci pour l'entrevue. Bonne retraite, puis peut-être au plaisir de se reparler. Merci infiniment. c'est très gentil. Il a été l'annonceur maison des Alouettes depuis 22 ans, Jacques Moreau.